Vous sentez tout ce que vous voulez. Vous êtes bisexuel, vous êtes fluide, vous êtes tout ça. Il y a un genre différent. Le transgenre a été inventé à partir de gens qui ont des problèmes avec cette identité, ce qu'on a appelé le transsexualisme. Ils ont une identité. Je trouve qu'il y a un peu une épidémie aujourd'hui de transgenre. Il y en a beaucoup trop. C'est-à-dire, il y en a beaucoup trop. Vous êtes une merde intégrale. Bonjour tout le monde, c'est l'heure de la revue de l'actualité LGBTI du mois de mars. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de l'Europe de l'Est, n'est-ce pas? En décembre, Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, rappelait sa promesse d'aller visiter une des zones anti-LGBTI polonaises à Tétu pour les 25 ans du magazine. Mais en mars, c'est à l'Obs qu'il confie devoir renoncer à son engagement. Les autorités n'ont pas souhaité qu'il effectue cette étape de son déplacement pour des raisons sanitaires. Un avis qu'il considère comme une pression politique, auquel il cède, car elle n'avait pas valeur d'interdiction, l'ignorer pour honorer sa promesse restait possible, mais ce n'est pas ainsi qu'il faut se comporter avec un État membre de l'UE, répondait-il. Alors que c'était un point clé de son agenda, Clément Beaune a décidé de maintenir son déplacement pour discuter de la question des droits des femmes, notamment le 8 mars en évoquant la décision récente du tribunal constitutionnel polonais de restreindre un droit à l'avortement déjà difficile d'accès. De retour chez Tétu pour faire un bilan de sa visite, face aux questions à charge de Nicolas Schaeffer, Clément Beaune justifie ses décisions. « Je ne suis pas un militant, dit-il. Je dois tenir un équilibre, je ne veux pas donner prise à une critique contre-productive. » Il préfère ainsi garder un canal de contact avec les autorités polonaises et faire confiance à la Commission européenne pour utiliser la procédure d'infraction pour sanctionner l'État membre. Cette hostilité polonaise vis-à-vis des LGBT est souvent imitée par son voisin hongrois, mais pas toujours égalée. La faute à la Cour constitutionnelle qui a réussi, selon une dépêche Reuters, à annuler la rétroactivité d'une loi adoptée pour empêcher les personnes trans de transitionner, notamment administrativement, en rappelant que la transition est un droit garanti par la Constitution suivant une précédente décision de 2018. Bon, vous voyez, il y a des petites bonnes nouvelles des fois. Surtout que cette décision laisse entrevoir l'espoir d'une annulation de la loi dans son ensemble, même si l'association Hatters conseille de ne pas s'emballer trop vite. Pour soutenir son collègue des affaires européennes, Elisabeth Moreno, chargée de la diversité et de l'égalité des chances, accepte la proposition de Yuen Tanguy dans le HuffPost de l'accompagner dans ses zones sans idéologie LGBTI, mais elle aussi a ses bilans à faire. C'est donc tenu en sa compagnie le 16 mars une réunion conviant le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et des associations LGBT pour un premier suivi du plan national d'action contre la haine et la discrimination anti-LGBT lancé il y a 6 mois et courant jusqu'en 2023. Au vu du peu de temps écoulé, seulement 4 des 42 actions prévues par le plan ont été réalisées, mais les associations pointent déjà le manque d'indicateurs pour les évaluer, notamment les formations dont on ne sait ni qui les organise, ni ce qu'elles doivent contenir, ni si les assos seront impliqués, ni si le plan prévoit de former tout le personnel d'ici à son expiration ou simplement de lancer les formations. Parmi eux, on apprend dans l'interview du HuffPost que le ministère de la Justice serait favorable à communiquer les chiffres de demandes de changement d'état civil, le nombre d'accords de refus et les durées des procédures. Pour en finir avec ces deux-là, Beaune et Moreno semblent former une joyeuse petite équipe sur la photo postée sur Twitter où elles soutiennent ensemble la motion proclamant l'UE « zone de liberté pour les personnes LGBTI », une déclaration symbolique qui répond à la prolifération des zones sans LGBTI en Pologne et en Hongrie, mais qui, dans les faits, n'a pas grande conséquence sur les sanctions que peut prendre ou non le Conseil de l'Europe contre ses membres homophobes et transphobes. Cette annonce a déclenché une sorte d'engouement, d'emballement politicien, une sorte de sentiment collectif que les déclarations font magiquement les réalités, partagées ainsi jusqu'à Quimper, dont certains élus souhaitaient déposer une motion similaire, en passant par Paris, qui se déclare « capitale des droits LGBTQI+ ». Attendez, j'essaie... La page tipeee.com/revue-2-presse-tpg est une zone de réception du ruissellement. Faites un petit don public aux riches pour voir... Ouais, bon, je ne crois pas que ce soit demain la veille que je puisse espérer recevoir 4,5 millions d'euros de promesses de dons, comme c'est le cas pour le site d'Action lors de sa campagne de 2021, qui, après l'annulation de celle de 2020 et malgré les conséquences économiques de la crise Covid-19, réussit presque à égaler le record de 2019. Le SARS-CoV-2 n'a malheureusement pas chassé le VIH et la recherche et la prise en charge continuent d'avoir besoin de financement. Mais comme d'hab, Macron préfère soutenir des appels à la générosité que d'organiser une collecte des financements justes, par exemple par... comment ça s'appelle déjà? Les cotisations... Les taxes... Les impôts... Bon bref, quoi qu'il en soit, cet argent sert notamment à la recherche d'un vaccin dont justement un candidat est actuellement en phase 1 en France, c'est-à-dire qu'on vérifie sa non-toxicité. Et on peut noter d'autres bonnes nouvelles en matière de lutte contre le VIH, comme ces deux laboratoires qui développent parallèlement un traitement et une prévention contre le VIH, l'une en prise mensuelle, l'autre semestrielle, qui annoncent un partenariat pour allier leurs forces. Pour terminer le mois et cette chronique, parlons de la visibilité des personnes trans, puisque le Titov s'est tenu le 31 avec l'espoir qu'une meilleure visibilité mène à une meilleure acceptation de la transidentité et de leurs revendications. Il a été soulevé lors de la table ronde organisée par l'Inter-LGBT pour l'occasion que, paradoxalement, la visibilité de la transidentité en tant qu'individu dans la vie de tous les jours peut s'avérer être un danger parfois mortel et qu'elle a tendance à être évitée, ce que tend à confirmer une enquête faite auprès de la communauté anglophone qui met en lumière une baisse du nombre de personnes qui osent faire leur coming out dans le monde professionnel et une hausse des violences transphobes au travail par rapport à 2016. Au-delà de cette remarque, la table ronde, au casting qui sent la dernière minute, n'apportera pas grand-chose d'intéressant. Plutôt que de s'arrêter au constat que tout ne va pas comme on voudrait, Giovanna Rincon, directrice d'AcceptTesté, en rappelle les raisons dans une interview à Tétu, parmi lesquelles la soumission des pouvoirs exécutifs et législatifs à la Manif pour tous et autres personnalités transphobes, ainsi que les conséquences, à savoir le manque de politique de protection depuis le début de la crise sanitaire pour les problématiques qui touchent particulièrement les personnes trans, l'inaction du gouvernement au-delà de recommandations non suivies de circulaires par exemple, et de communication pour pinkwasher leur image à coup de internet et de guides de merde. Bon, ça c'est moi qui l'ai rajouté. Mais les interviews ou les listes de personnes trans du monde du cinéma ou autres tentatives de séduire les milieux contrôlés par les bourgeois semblent avoir lassé Sophia, Vénus, Sacha, Anna, Carole et Lota qui ont décidé de lancer XY Media sur YouTube qu'elles décrivent comme le premier média audiovisuel transféministe de France et qui a déjà abordé depuis le 8 mars la transmisogynie, les difficultés d'être une femme noire et trans et l'intérêt du socialisme pour la cause trans. Et là c'est le moment où il y a plein de petits Marx dans le chat. Accès aux unions légales, éducation, santé, association. Si vous voulez plus d'informations, je manque de temps dans cette chronique, accompagnée par The Return d'Alexander Nakarada, mais je vous donne rendez-vous sur mixcloud.com/still_virgin pour la version longue, sur Twitter pour plus de fun, et le mois prochain pour la prochaine. Et d'ici là, be gay, do crimes, mais protégez-vous.